Patience. Accepter que la pierre ne veuille plus être source. S'asseoir juste à côté pour récolter la pluie. Savourer chaque goutte, elle changera d'avis.